L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le Rock and Pop Festival revient pour une 6e édition, les 10 et 11 septembre. Rendez-vous pour cela sur le site des Brasseries à Maxiville. Annie Delrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe déléguée à la Jeunesse Culture Association et donc porteuse de cette 6e édition du festival Rock and Pop. Bien sûr, mais enfin, je ne suis pas toute seule. Derrière, on a une énorme équipe et sans qui rien ne pourrait se faire. Alors, c'est un festival qui s'est déjà bien implanté. Maintenant, on en a déjà la 6e édition, oui, un festival de musique et de bière régionale. C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'était quoi l'idée de départ ? C'était la rencontre justement avec le président de l'époque de l'Union des Brasseurs de Lorraine. À l'époque, on n'était pas encore dans le Grand Est, qui avait envie à la fois de faire un événement pour promouvoir ses bières locales. Et nous, on cherchait aussi à ce moment-là à créer un nouvel événement sur Maxéville. Et on trouvait que le rock et la bière, ça allait bien ensemble, que le site des brasseries aussi s'y prêtait forcément. Et donc voilà, cette union s'est faite et le festival est né. Un mot sur le site des brasseries, pour celles et ceux qui n'y seraient jamais allés par exemple, c'est quoi son histoire ? On était sur des vieilles brasseries, des brasseries réunies, c'était un petit peu novateur à l'époque de réunir plusieurs brasseurs dits locales pour en faire quelque chose de presque industriel, enfin c'était de l'industriel pour l'époque. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale a fait que ces brasseurs se sont arrêtés. Après, ce sont les vins de la Craft qui se sont installés jusque dans les années 80. Puis après, le site a périclité. Et donc maintenant, c'est la ville qui en est pratiquement propriétaire, pas dans l'intégralité, parce qu'il y a certains endroits qui ont déjà été repris par des entrepreneurs privés. Mmh. Mais nous, on en veut un. C'est déjà un tiers-lieu à lui-même, parce qu'il y a des acteurs locaux qui sont là depuis longtemps, notre MJC, notre médiathèque. Et là, il y a vraiment des travaux de grande envergure qui sont, ça y est, enfin, sur les rails. C'est long, tout ça. Voilà. Puis ça demande de l'argent, donc c'est long. Effectivement. Alors là, cet événement, c'est l'occasion de découvrir le lieu et son histoire dans une ambiance plutôt conviviale. Alors, on va tout de suite préciser que la but d'alcool va être dangereux quand même pour la santé. Et on a même un site de prévention, parce que voilà, oui, il faut savoir apprécier avec modération. Est-ce qu'il y a des bières régionales sans alcool d'ailleurs ? Oui, qu'il y aura des choses prévues ? Et oui, puis les brasseurs aussi brassent aussi d'autres choses. Enfin, il y a aussi des propositions soft, on va dire. Voilà. Et puis il y a aussi des propositions à emporter. Donc on n'est pas obligé non plus de tout goûter sur site et on peut en ramener à la maison pour après apprécier. Voilà. Vous accueillez pas mal de brasseurs ? Combien de brasseurs à peu près ? À peu près une vingtaine. Une vingtaine, voilà. Tous de la région donc ? Alors c'est la région Grand Est. En fait, c'est une sélection qui est faite justement par l'Union des Brasseurs de Lorraine. Voilà. Et c'est quelque chose qui s'est quand même beaucoup développé ces dernières années, les brasseries régionales, on en voit de plus en plus. Effectivement, quand on a démarré, nous, c'était vraiment à petite échelle. Et puis là, au fur et à mesure de notre festival qui s'agrandissait, on a vu aussi fleurir toutes ces brasseries et on en est finalement plutôt heureux. Quoi. La musique, elle va être indissociable aussi de ce rendez-vous. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de groupes. C'est ça, oui. Et oui, on a plus d'une dizaine de groupes. Donc le samedi, à partir de 16h, on va dire, jusqu'à à peu près 1h du matin. Et puis le dimanche, on est dans une ambiance un petit peu plus festive, où là, le public familial est clairement attendu et trouvera son compte, on va dire. Et c'est que des groupes locaux que vous accueillez ? On a quand même quelques pointures qui vont au-delà du local, puisqu'on était accompagnés dans notre programmation par Turbulence, ceux qui organisent le Jardin du Michel. Oui. Donc avec eux, on a aussi, parce qu'ils sont sur site, on parlait du site des brasseries, donc ils nous font des propositions, où on a aussi des groupes qui viennent même d'Italie, je crois qu'il y en a un qui vient d'Italie, si mes souvenirs sont. Donc c'est un travail de réseau, là aussi. Exactement, et puis d'échange, on va dire, et on se rend service les uns les autres, et c'est très bien comme ça. Donc vous l'avez dit, ça commence à 16h le samedi, oui, c'est ça, 13h30 pour le dimanche. Voilà. Une particularité aussi du festival, c'est qu'il est gratuit. Oui, alors ça c'est une volonté à la fois politique, mais c'est possible aussi parce qu'on a ce partenariat avec l'Union des Brasseurs, puisqu'on a une convention avec eux, donc financièrement il y a quelque chose qui se passe pour qu'on puisse faire vivre ce festival gratuitement. Et aussi, j'ai envie de dire, nos partenaires, nos entreprises maxévilloises qui maintenant cette année ont rejoué le jeu, Covid aidant, c'était un peu compliqué, qui nous accompagnent aussi de plus en plus sur ce festival et je veux les en remercier. Donc de la musique, des brasseurs, il y a d'autres animations. Vous avez dit qu'il y avait des entreprises, peut-être qu'il y a des stands. Comment alors, ça se passe le dimanche, on a une proposition de notre Jardin des Jeux, c'est notre service de ludothèque de la ville de Maxéville, qui propose, on peut à la fois en dégustant une bonne bière et en étant dans une ambiance, on va dire musicale agréable, et ben profiter d'un moment ludique entre amis ou en famille. Donc ça, c'est le dimanche après-midi qu'on aura cette proposition-là. Le programme, on le retrouve avec tous les groupes, hein, je ne les ai pas cités, mais on peut en citer 2-3 éventuellement. Il y a Tequila Savate, Kaisaria, Baleine, Uncle Bard and the Dirty Bastards. Je crois que celui-là, il ne faut pas le louper, de ce qu'on m'a dit. Et puis, sur le dimanche, il y a Monty Picon qui a priori aussi est un rendez-vous à contourner. En plus, je trouve que le nom... voilà. Il est adapté à la situation. Mais on rappelle qu'il n'y a pas que des boissons alcoolisées hein, sur place. Exactement. Et puis, il y a aussi de quoi se restaurer. Plusieurs food trucks qui pourra convenir à toutes les papilles, puisqu'on essaie de faire une proposition diverse, on va dire. Donc, rendez-vous les 10 et 11 septembre sur le site des brasseries. C'est à Maxéville. Donc, le samedi à partir de 16h, le dimanche à partir de 13h30. L'accès, il est libre. D'autres événements peut-être à noter, à venir sur la commune de Maxéville. Oui, sur la fin du mois de novembre, on a notre traditionnel défilé des lanternes avec la fête de la Saint-Martin sur le site du parc de la mairie de Maxéville, centre. Voilà, ça sera en novembre. Hein, c'est en novembre, autour du 11 novembre. J'ai plus exactement la date, je m'en excuse, mais voilà. Il suffit de suivre votre actualité. Hein, exactement. Bien sûr, hein, sur la page maxéville.fr. Déjà, premier rendez-vous pour fêter la rentrée. Fêter peut-être la fin de l'été aussi, ou le début de l'automne, ça dépend comment on se positionne. Voilà. Et on a choisi cette date-là, elle est vraiment fixée pour être dans cet esprit-là. Puis au niveau de la météo, on sait qu'on ne prend pas trop de risques et on a envie de se retrouver avant d'aborder la suite de l'année, on va dire. Sixième édition du Festival Rock'n'Bock, les 10 et 11 septembre. Merci beaucoup, Annie Delrieux. Merci beaucoup. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.